Chapitre deuxième. Le même soir, entre 9 et 10 heures, Louisa, qui attendait avec une certaine anxiété, entendit retentir à la porte de la maison le coup que guettait depuis longtemps son oreille. Elle se précipita sur l'escalier pour aller ouvrir à sa maîtresse. Le visage de Magdalène était fort animé. Elle paraissait plus agitée rentrant au logis qu'au moment de son départ. « Restez devant la table, » dit-elle à Louisa, non sans quelque impatience, « mais déposez votre ouvrage à côté de vous. Ce que je vais vous dire réclame toute votre attention. » Louisa obéit. Magdalène, s'essayant de l'autre côté de la table, écarta les flambeaux de manière à voir clairement et sans obstacle le visage de sa femme de chambre. « Avez-vous remarqué, » commença-t-elle brusquement, « une femme d'un certain âge et d'aspect décent qui, dans le cours de la dernière quinzaine, est venue me rendre visite une ou deux fois ?»« Oui, madame. » »« Je crois l'avoir introduite lors de sa seconde visite. C'est une personne sur le retour et qui se nomme, à ce qu'il paraît, Mrs. Atwood. » « C'est bien ce que je veux dire. Mrs. Atwood est la femme de charge de Mr. Loscombe, non pas celle qu'il a chez lui dans son domicile particulier, mais celle qu'il emploie pour ses bureaux de Lincoln's Inn. J'avais promis d'aller prendre le thé chez elle un soir de cette semaine, et c'est ce soir que j'y suis allé. Il est assez étrange à moi, n'est-il pas vrai, de m'être mise avec une personne du rang de Mrs. Atwood sur un pareil pied de familiarité ?» Louisa ne formula aucune réponse, mais son visage parlait pour elle, montrant qu'elle ne pouvait en effet s'empêcher d'être étonnée. « J'avais mes raisons pour m'allier avec Mrs. Atwood, » continua Magdalène. « Elle est veuve, et sa famille se compose de plusieurs filles. Toutes sont placées. L'une d'elles est suivante en second chez l'amiral Bartram à St. Crux in the Marsh. C'est par le maître de Mrs. Atwood que j'ai appris ceci. Et aussitôt après cette découverte faite, je résolus, à part moi, de lier connaissance avec Mrs. Atwood. Voilà qui est plus singulier, n'est-il pas vrai ?» Louisa commençait à manifester un peu d'inquiétude. L'accent de sa maîtresse était en désaccord avec le langage de sa maîtresse. On y pressentait quelques surprenantes révélations encore à venir. « Je ne me chargerai pas d'expliquer, » continua Magdalène, « quel genre d'attrait ma société peut avoir pour Mrs. Atwood. Je puis seulement vous dire qu'elle a connu des jours meilleurs. Elle a reçu quelque éducation, et c'est peut-être pour cela que ma société lui plaît. De manière ou d'autre, elle a fait à mes avances un accueil empressé. Quant au charme qu'a pour moi cette bonne femme, il peut vous être expliqué sans beaucoup de paroles. J'éprouve une vive curiosité, curiosité incompréhensible, allez-vous penser, pour tout ce qui se passe actuellement dans le ménage de St. Crux in the Marsh. La fille de Mrs. Atwood est une bonne fille qui sans cesse écrit à sa mère. Sa mère, tirant vanité de ses lettres et vanité de sa fille, est toujours disposée à bavarder sur le compte de celle-ci et à raconter tout ce qui se passe autour d'elle. Voilà quel charme Mrs. Atwood a pour moi. Vous devez jusque-là me comprendre. » Louisa comprenait parfaitement. Magdalène continua donc. Grâce à Mrs. Atwood et à la fille de Mrs. Atwood, j'ai déjà obtenu de curieux détails sur le ménage de St. Crux. Les bavardages de domestiques et les correspondances de domestiques, ai-je besoin de vous l'apprendre, traitent plus souvent de leur maître et de leur maîtresse que ces maîtres et maîtresses ne le supposent. Il n'y a pas à St. Crux d'autres maîtresses que la femme de charge. Mais il y a un maître, l'amiral Bartram. Ce paraît être un vieillard bizarre, dont les caprices et les fantaisies amusent ses domestiques autant que ses amis. Une de ses imaginations, la seule dont il soit nécessaire de nous préoccuper en ce moment, c'est qu'ayant eu pendant sa vie de bord assez d'hommes autour de lui, il veut maintenant qu'il est à terre n'être servi que par des femmes. Le seul domestique mâle dans le château est un vieux marin qui a passé toute sa vie avec son maître. Il est pour ainsi dire en pension à St. Crux et ne se mêle que peu ou point des besognes intérieures. Les autres domestiques occupés à ce service sont exclusivement des femmes. Et au lieu d'un valet de pied pour le servir à table, l'amiral a une femme de salon. La personne qui remplit à Saint-Croix ce genre de fonction est sur le point de se marier et doit quitter le château dès que son maître aura pu la remplacer. Je savais tout ceci depuis déjà quelques jours. Mais ce soir, quand j'ai vu Mrs. Atwood, elle m'a montré une lettre que sa fille lui avait écrite dans l'intervalle. Et cette lettre m'a fait découvrir quelque chose encore. La femme de charge ne sait où donner de la tête pour trouver une domestique nouvelle. Son maître exige de la jeunesse et une jolie figure. Il laisse le surplus à sa femme de charge, mais il tient absolument à ceci. Toutes les démarches tentées dans les environs du château n'ont pas réussi à faire découvrir la femme de salon dont l'amiral est en peine. Si d'ici à 15 jours ou 3 semaines, rien de sortable ne s'est présenté, la femme de charge est décidée à faire des annonces dans le Times et à venir elle-même à Londres pour examiner les personnes qui se présenteront, en s'informant avec soin de leurs antécédents personnels. Louisa regardait sa maîtresse avec plus d'attention que jamais. Son visage n'exprimait plus la perplexité. On pouvait y voir poindre, en revanche, une nuance de désappointement. « Ne perdez pas de vue ce que je viens de vous dire, et suspendez toute conclusion pendant une minute encore que je vais employer à vous questionner. N'allez pas vous imaginer que vous m'avez comprise. Je puis vous assurer qu'il n'en est rien. Est-ce que vous avez toujours servi comme femme de chambre ? Non, madame. Avez-vous jamais été femme de salon ? Dans une seule de mes conditions, madame, et je n'y suis pas longtemps restée. Assez longtemps, j'imagine, pour y apprendre ce genre de service. Oui, madame. Qu'aviez-vous à faire, outre le service de la table ? J'annonçais les visites. Fort bien, et après ? J'avais à surveiller l'argenterie et les cristaux. Tout le linge de table était aussi confié à mes soins. Je devais répondre à toutes les sonnettes, sauf celle des chambres à coucher. Il y avait encore, de temps en temps, quelques menues besognes. Mais votre service régulier était celui que vous venez d'indiquer. Oui, madame. Combien y a-t-il de temps que vous avez été attachée à cet emploi spécial ? Un peu plus de 2 ans, madame. Je suppose que dans ce laps de temps, vous n'avez oublié ni le service de table, ni l'entretien de l'argenterie, ni le reste. À cette question, l'attention de Louisa, qui, durant cet interrogatoire de Magdalène, avait de plus en plus dévié, s'égara pour le coup complètement. Ses inquiétudes, toujours croissantes, l'emportèrent sur sa discrétion, et même sur sa timidité ordinaire. Au lieu de répondre à sa maîtresse, elle se permit tout à coup une question que lui suggéraient vaguement des conjectures précipitées. Bien des pardons, madame, dit-elle, penseriez-vous à m'offrir la place vacante à Saint-Croix ? Allons donc, répondit Magdalène. Bien certainement non. Vous avez donc oublié ce que je vous disais dans cette chambre même avant de sortir ? Je compte vous voir mariée et vous faire partir pour l'Australie avec votre mari et votre enfant. Vous n'avez pas voulu attendre, comme je vous le prescrivais, que je me fusse expliqué. Vous avez tiré vous-même vos conclusions, et ces conclusions se sont trouvées fausses. Je viens de vous poser une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Je vous demandais si vous aviez oublié votre service comme femme de salon. Oh non, madame. Louisa, jusqu'alors, avait répondu comme à regret. Rassurée maintenant, elle répondait volontiers et avec confiance. Pourriez-vous, lui demanda Magdalène, enseigner ce service à une autre domestique. Oui, madame, très facilement, pour peu qu'elle eût l'intelligence prompte et voulût bien me prêter attention. Pourriez-vous me l'enseigner à moi ? Louisa tressaillit et changea de couleur. À vous, madame ? S'écria-t-elle, incrédule à moitié prise de peur. Oui, dit Magdalène. Pourriez-vous me mettre en état de remplir à Saint-Croix l'emploi dont nous venons de parler ? Si claires que fussent ces paroles, l'étourdissement produit dans l'esprit de Louisa semblait la rendre incapable de comprendre la proposition de sa maîtresse. « À vous, madame, » répétait-elle, sans savoir juste ce qu'elle disait. « Peut-être vous ferai-je comprendre le projet extraordinaire que j'ai conçu en vous expliquant dans quel but je prétends agir. Vous rappelez-vous ce que je vous disais du testament de Mr. Vanstone lorsqu'arrivant d'Écosse, vous vintes me joindre ici ? « Oui, madame. Vous m'apprîtes que ce testament ne faisait pas même mention de vous. Je suis bien certaine que jamais ma camarade n'aurait voulu mettre sa signature au bas de ce testament si elle avait su. Laissons cela maintenant. Je ne blâme nullement votre camarade. Je ne blâme personne que Mrs. LeCount. Laissez-moi continuer ce que je disais. Il n'est pas le moins du monde certain que Mrs. LeCount puisse me faire tout le mal qu'elle a prémédité contre moi. Il reste une chance pour que Mr. Loscombe, mon avocat, parvienne, en dépit du testament, à obtenir pour moi ce qui m'est légitimement dû. Cette chance serait la découverte d'une lettre qui doit être, selon Mr. Loscombe et selon moi, secrètement déposée entre les mains de l'amiral Bartram. Je n'ai pas le plus léger espoir de savoir ce que renferme cette lettre, si je me présente à découvert pour en réclamer communication. Mrs. LeCount a prévenu l'amiral contre moi, et Mr. Vanstone lui a confié un secret auquel, moins que personne, je dois être initié. Si je lui écrivais, il ne répondrait point à ma lettre. Si je frappais à sa porte, cette porte ne s'ouvrirait point pour moi. C'est donc comme une étrangère que je dois me ménager l'accès de Sainte-Croix. Il faut que je m'y fasse une position qui me permette de chercher de tous côtés sans éveiller les soupçons. Il faut que j'y sois installé pour tout le temps nécessaire à la réalisation de mes projets. J'ai tout cela pour moi, si je suis accueilli dans la domesticité du château, et c'est comme domestique que j'entends m'y présenter. « Mais vous êtes une personne du monde, madame !» objecta Louisa de plus en plus perplexe. « Les domestiques de Sainte-Croix vous auront bientôt démasqué. » « Je ne crains nullement qu'ils me démasquent, » répondit Magdalène. « Je sais, mieux que vous ne le supposez, prendre les dehors qui me conviennent. C'est à moi, d'ailleurs, qu'il appartient de pourvoir à ce danger. Ne parlons pour le moment que de ce qui vous concerne. Ne décidez pas encore la question de savoir si vous devez ou non me prêter l'assistance dont j'ai besoin. Attendez, pour prendre à cet égard une résolution définitive, de savoir en quoi elle consiste. Vous êtes couturière habile et prompte. Pourriez-vous, d'ici à 8 jours, me faire une robe qu'une domestique puisse convenablement porter et arranger, de manière à ce qu'elle vous aille, une de mes robes de soie les plus élégantes ? Je crois, madame, pouvoir faire cela dans 8 jours. Mais pourquoi me faire porter ? Attendez un peu, et vous le saurez. Je donnerai congé dès demain à notre hôtesse 1 semaine d'avance. Dans l'intervalle, et tandis que vous vous occuperez des vêtements, je puis apprendre le service d'une femme de salon. Lorsque la domestique de la maison aura monté le dîner, et quand nous serons, vous et moi, toutes seules dans cette chambre, au lieu d'être servies par vous comme à l'ordinaire, c'est moi qui vous servirai. Je parle très sérieusement, veuillez ne pas m'interrompre. Tout ce que je pourrai apprendre de plus, sans gêner votre travail, je le pratiquerai en toute occasion et avec le plus grand soin. La semaine terminée et les robes faites, nous quitterons ce logement pour aller dans un autre où nous nous présenterons, vous comme maîtresse, moi comme femme de chambre. Personne ne s'y méprendra, madame, interrompit Louisa, que cette perspective faisait trembler. Je ne suis pas une lady, moi. « Et j'en suis une, » dit Magdalène avec amertume. « Faut-il vous dire ce que c'est qu'une lady ? Une lady est une femme qui porte une robe de soie et se croit fort importante ici-bas. Je mettrai la robe de soie sur votre dos et dans votre tête le sentiment de votre importance. Vous parlez bien l'anglais. Vous êtes naturellement calme et savez vous conduire. Pourvu que vous puissiez seulement venir à bout de votre timidité, je n'aurai pas la moindre crainte à votre sujet. » Vous aurez bien le temps, dans le nouveau logement, de vous familiariser avec votre rôle, tout comme j'aurai le temps de me familiariser avec le mien. Nous aurons aussi le loisir de confectionner quelques vêtements de plus. Une autre robe à mon usage est pour vous la toilette de noces dont j'entends vous faire cadeau. J'enverrai tous les jours chercher le journal. Dès que l'annonce paraîtra, je me présenterai, sous tel nom que les circonstances pourront me suggérer, sous le vôtre, si vous voulez bien me le prêter. Et lorsque la femme de charge me demandera mon certificat, c'est à vous que je l'adresserai. Elle vous verra dans le rôle de maîtresse et moi dans celui de suivante. Aucun soupçon ne pourra lui entrer dans l'esprit, à moins que vous ne le lui fournissiez vous-même. Pourvu que vous ayez le courage de suivre mes instructions et de répéter ce que je vous aurai soufflé, l'entrevue, je vous en réponds, sera terminée en 10 minutes. « Vous me faites peur, madame, » dit Louisa qui tremblait encore. « Je n'en puis plus de surprise. Vous parlez de courage. Où voulez-vous que j'en trouve ? Où j'en ai mis pour vous, dit Magdalène, dans le prix du passage en Australie. Envisagez cette nouvelle perspective qui vous donne un mari et vous rend à votre enfant. C'est là que vous trouverez le courage nécessaire. Le visage mélancolique de Louisa parut s'éclairer tout à coup. Le faible cœur de Louisa battit plus vite. Une étincelle de cette flamme qui brûlait chez sa maîtresse s'alluma dans ses yeux à la pensée de cet avenir rayonnant. Si vous acceptez ma proposition, poursuivit Magdalène, vous pouvez dès à présent, selon vos convenances, commander le service nuptial. Je vous promets votre argent pour le jour où l'annonce paraîtra dans les feuilles publiques. Ce n'est pas vous. C'est moi seul que regarde le refus possible de la femme de charge. Je sais à quel point je suis en lady. J'espère cependant pouvoir l'emporter au concours sur les autres domestiques qui se présenteront. J'espère pouvoir me donner l'air de la femme de salon demandée par l'amiral Bartram. Vous n'avez rien à craindre dans tout ceci. Sans cela, je ne vous en aurais point parlé. L'unique danger, c'est que je sois reconnu à Sainte-Croix, et ce danger ne peut atteindre que moi. Au moment où j'arriverai dans le château de l'amiral, vous serez marié et déjà sur le navire qui doit vous conduire à une nouvelle existence. La figure de Louisa, tantôt radieuse d'espérance, tantôt assombrie par la crainte, manifestait clairement la lutte intérieure que lui coûtait le parti à prendre. Elle essayait de gagner du temps, elle balbutiait vaguement quelques mots de reconnaissance, mais sa maîtresse ne la laissa pas continuer. « Vous ne me devez aucun remerciement, » dit Magdalène. « Je vous l'ai déjà dit, nous ne faisons que nous prêter un mutuel secours. J'ai fort peu d'argent, mais ce que j'en ai suffit pour vous tirer d'affaire, et je vous le donne bien volontiers. J'ai mené une vie malheureuse. J'ai fait le malheur d'autrui. Vous-même, je ne puis vous rendre heureuse qu'en vous sollicitant une fraude nouvelle. Calmez-vous, ce n'est pas votre faute. Si vous refusez, des femmes qui ne vous valent pas me viendront en aide. Décidez à votre gré, mais n'ayez aucune répugnance à prendre cet argent. Si je réussis, je n'en aurai pas besoin. Si j'échoue... » Elle s'interrompit, se leva brusquement de son fauteuil et déroba son visage à Louisa en se dirigeant du côté du foyer. « Si j'échoue, » reprit-elle, exposant négligemment ses pieds à la chaleur de l'âtre, « tout l'argent du monde ne me servirait à rien. Que ceci ne vous inquiète point. En général, ne vous inquiétez pas de moi. Pensez uniquement à vous. Je ne me prévaudrai nullement de l'aveu que vous m'avez fait. Je ne prétends pas influencer chez vous une volonté opposée à mes desseins. Faites ainsi qu'il vous conviendra le mieux. Souvenez-vous seulement de ceci. Je suis, moi, parfaitement décidé. Rien de ce que vous pouvez dire ou faire ne modifiera ma conduite. » La manière soudaine dont elle avait quitté la table et l'altération de sa voix tandis qu'elle prononçait ces derniers mots semblait avoir rendu à Louisa ses hésitations en première. Elle avait joint ses mains sur ses genoux et les tordait l'une dans l'autre. « Cette épreuve est venue m'assaillir bien subitement, madame, » disait cette fille. « J'éprouve une terrible tentation de dire oui, et cependant j'ai bien peur. »« Prenez toute la nuit pour réfléchir, » interrompit Magdalène, qui s'obstinait à tenir son visage tourné vers la cheminée. « En entrant demain chez moi, vous me direz ce que vous avez résolu. Ce soir, je n'aurai besoin de personne. » Je me déshabillerai moi-même. Vous n'êtes pas aussi forte que moi, et je suis sûr que vous êtes à bout. Que ce que je vous ai dit ne vous tienne pas éveillé. Bonne nuit, Louisa. Bonne nuit et bon rêve. Sa voix s'atténuait de plus en plus en prononçant ces affectueuses paroles. Elle poussa un profond soupir et, posant son bras sur la cheminée, y appuya sa tête avec une lassitude désespérée qui faisait peine à voir. Louisa, qu'elle croyait hors de la chambre, s'y trouvait encore. Louisa se rapprocha d'elle doucement et baisa sa main. Magdalène tressaillit, mais cette fois n'essaya pas de retirer la main baisée. Le sentiment de l'isolement terrible où elle vivait se trouva plus fort qu'elle, au moment où les lèvres de sa suivante se posèrent ainsi sur sa main. Son cœur orgueilleux s'attendrit. Des larmes brûlantes vinrent à ses yeux. « Ne m'affligez pas, » dit-elle d'une voix faible. Le temps des attendrissements est passé. Ils ne font plus qu'ôter mes forces. Retirez-vous donc, et bonne nuit. » Magdalène, le matin venu, obtint enfin la réponse affirmative qu'elle avait prévue. Le jour même, l'hôtesse reçut son congé à 8 jours de date, et l'aiguille industrieuse de Louisa fut, sans repos ni trêve, occupée à fabriquer le costume de la parlor maid, la femme de salon.